Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 29 novembre 2016. Voici les grands titres de cette édition. Le conseiller principal en communication du président de la République a échappé hier soir à une attaque par des hommes armés près de chez lui à Kajaga, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Willy Nyamitwe a été blessé alors que l'un de ses gardes du corps a été tué dans cette attaque. Nous aurons d'autres précisions données par le porte-parole de la police, Pierre Nguriki. La plateforme de l'opposition Sénared appelle le pouvoir du Burundi à adhérer aux négociations interburundaises dirigées par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa pour l'intérêt du pays. Onesime Nduwimana, un des vice-présidents du Sénared, estime que le processus est au point mort à cause de Bujumbura. Et plus de 9000 ménages des communes Bgambarangwe, Gitobe et Busoni de la province de Kirundo seront bientôt raccordés à un réseau électrique. Ce projet d'électrification rurale coûtera 41 milliards de francs burundais, annonce faite par le ministre en charge de l'énergie. Et dans la chronique santé ce mardi, Dr Constantin Nyamuzangura nous parlera de la crise cardiaque. Alors qu'en actualité internationale, Jovenel Moïse a été déclaré vainqueur de la présidentielle haïtienne dès le premier tour avec 55,67% des voix. À 48 ans, Jovenel Moïse signe avec cette élection le début de sa carrière politique. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le conseiller principal en communication du président de la République a été attaqué par des hommes armés la nuit dernière près de chez lui à Kajaga, en commune de Mutimbuzi. Le porte-parole de la police confirme que Willy Nyamitwe a été blessé au bras et que un de ses gardes du corps a été tué dans cette attaque. D'autres précisions avec Pierre Nguriquié qui vient de faire une déclaration à la presse. C'était près de son domicile à Kajaga, lorsque son véhicule est dévié de la route goudronnée vers sa résidence, lorsqu'un groupe de criminels armés, de Kalachnikov et de grenades, autour de 5 à 10 personnes, le groupe a attaqué le véhicule du conseiller. Les criminels ont tiré plusieurs balles. Ils ont aussi lancé 3 grenades, dont une a explosé. Et les dégâts, c'est le conseiller principal chargé de la communication qui a été légèrement blessé au bras. Et un policier garde du corps qui est décédé sur le champ, et son chauffeur également policier qui a été blessé au niveau de la cuisse et au niveau de la bouche. Ce matin, la police a découvert les 2 grenades qui n'ont pas explosé et 5 chargeurs vides du fusil de type Kalachnikov. L'attaque a été menée à l'aide des fusils de type Kalachnikov et des grenades. Et il y a eu intervention d'un policier qui a assuré la garde au domicile du conseiller et qui a pu empêcher à ce que ces criminels n'achèvent pas leur conseiller. Il y a eu également intervention des éléments des militaires qui étaient proches au niveau de la route goudronnée, et ce qui a repoussé les assaillants. Et ce qu'on peut signaler, c'est que avec les enquêtes, on a déjà appréhendé un militaire. Et puis, ce qu'on pourrait aussi communiquer au public, c'est que il avait déjà échappé à des attentats 2 fois. Dernière fois lorsqu'il est rentré de l'étranger et dernièrement lorsqu'il était en train d'animer une conférence à l'hôtel Le Panoramique. Il y a des groupes qui étaient partis lui tendre une embuscade, mais pour toutes les 2 fois, les forces de l'ordre ont su à temps et ont pu empêcher ces embuscades. Et concernant l'identité de ces assaillants, le porte-parole de la police soupçonne des éléments en provenance du Rwanda. Encore une fois, Pierre Nguriki. Il y a un militaire caporal qui a été déjà appréhendé, qui s'appelle Nduwimana Jean-Claude. Il avait été appréhendé en détention de 2 fusils pistolets et il avait dit qu'ils avaient pour mission d'assassiner le conseiller et que la mission était commandée de Kigali. Il y avait même un militaire rwandais qui était dedans, mais aussi des Burundais qui sont basés à Kigali. Le caporal a indiqué que les ordres et les moyens devaient transiter par un colonel de l'armée qui s'appelle Dushima Gizedjiodone, alias Gang, lui-même dernièrement appréhendé et maintenant en prison. Et c'est lui donc qui devrait organiser les exécutats ici sur le terrain et les coordonner. Les 2 ont été appréhendés. et les autres, on était en train de les poursuivre. Même si on n'a pas pu empêcher la tentative d'assassinat d'hier, la police était déjà sur piste et nous profitons de l'occasion pour tranquilliser la population. Lui informer d'abord que l'ennemi c'est le même, donc ce sont des criminels qui sont basés à Kigali qui attaquent et qui commettent des assassinats ciblés avec le même modus operandi depuis qu'on avait assassiné les hauts gradés de l'armée, de la police. Et ce que je viens de vous dire, ça ressort des déclarations du caporal qui a été appréhendé et qui a tout dit. Voilà, c'était le porte-parole de la police, Pierre Ngourikiye, dont les propos ont été recueillis par Joseph Nsabiyabandi. Des coups de feu ont été également entendus au campus Mutanga à l'Université du Burundi. Nous reviendrons sur cette information tout à l'heure. La plateforme de l'opposition Sénared estime que le gouvernement de Bujumbura est responsable de la non-évolution des négociations interburundaises dirigées par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Onésime Nduwimana, un des vice-présidents du Sénared, affirme que ces pourparlers doivent avoir lieu pour sortir de la crise et appelle le pouvoir à y adhérer pour l'intérêt du pays. Suivez Onésime Nduwimana. Je crois que le monde ne cesse de s'étonner de combien le pouvoir de Bujumbura traîne les pieds et manque ce courage de regarder l'autre monde en face. Alors il ne faudrait pas parler est-ce qu'il y a crise de confiance ou pas, mais c'est plutôt le pouvoir de M. Nkurunziza qui ne se fait même pas confiance pour oser venir dire à Mkapa « J'ai la vérité, je suis dans le droit chemin, donc je vais affronter mes compatriotes pour préparer un issue de sortie pour le peuple burundais. » Nous, nous attendons toujours, nous supposons que Mkapa, et malgré les difficultés qu'il a, qu'il continue ses consultations, et nous l'attendons pour qu'il vienne aussi nous consulter, et finalement qu'ensemble, on trouve comment commencer et continuer ces pourparlers qui ne devraient même pas prendre plus d'un mois. En ce qui concerne la CNDI, ça c'est une fabrication locale. Mais quand est-ce que vous comptez pouvoir converger avec Bujumbura pour qu'enfin la population puisse recouvrer la paix totale? Même si aujourd'hui ils reprennent conscience et qu'ils viennent demain, nous nous sommes prêts à l'aider à se lever et finalement c'est tout le Burundi qui va en profiter. Et ce rendez-vous, tôt ou tard, il aura lieu. Et je pense que Bujumbura a intérêt de se décider avant qu'il ne soit tard parce qu'ils ont tout à perdre. Onésime Nduwimana, un des vice-présidents du Sénared, au téléphone avec Léonce Huitariho. Maître Armel Niyongere, en Burundais, président de l'Organisation contre la torture, a été nommé ce samedi à l'Assemblée générale de l'Organisation contre la torture, une organisation de droit suisse. Pour rappel, cet avocat, l'un des quatre avocats burundais révoqués par la justice burundaise pour avoir collaboré avec certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme dans la production de rapports sur des violations des droits de l'homme au Burundi depuis avril 2015. Quant à son organisation ACAT Burundi, c'est l'une des cinq organisations de la société civile radiées par le ministère burundais de l'Intérieur. 13h03 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, les chiffres des victimes de violences basées sur le genre qui s'adressent à la police ont augmenté depuis la création de l'unité de la police des mineurs et protection des mœurs. Cela a été dit ce mardi par Lydia Udengeri, commandant adjoint de cette unité, lors des journées portes ouvertes de la police nationale sur son rôle de lutte contre les violences basées sur le genre, où elle indique également des défis dans leur travail. Suivez Lydia Udengeri. Depuis la création de la police nationale en 2005, l'unité a commencé à enregistrer moins d'une centaine de cas, mais on a vu que même aujourd'hui, les chiffres sont allés en augmentant. La cause, elle est située au niveau des relations que nous avons avec la population. On a vraiment eu à coordonner, à améliorer la coordination des intervenants dans ce domaine, ce qui fait que maintenant que la population connaît ses droits et qu'on a eu à décentraliser pas mal au niveau des provinces, maintenant la population est sensibilisée et elle ose même venir dénoncer la plupart des cas. Vous savez qu'un des défis que nous avons, c'est que la population n'aime pas dénoncer les auteurs de ces violences, ils aiment faire des règlements à l'amiable. Maintenant qu'il y a le degré de sensibilisation qui est maintenant amélioré avec les différents intervenants, les cas de dénonciation ont augmenté. Vous avez remarqué que même d'ici à l'état actuel de l'année 2016, on a plus de 300 cas. On a des opportunités, mais également les défis ne manquent pas. On a cité notamment le manque d'équipement, surtout le manque d'équipement pour faire les tests ADN, le manque d'infrastructures d'accueil pour pouvoir accueillir les victimes en toute discrétion, en toute confidentialité. Il y a le manque d'experts dans certains domaines. J'ai cité le domaine des psychologues. On a besoin aussi de renforcer les capacités des points focaux au VBG dans tout le pays, au niveau national. Voilà, c'était Lydia Wu Dengeri, commandant adjoint de l'unité en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre. Sachez que cette activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les cartes d'identité en commune Moukaza ne manquent pas. Mais avant de les avoir, il faut d'abord se conformer à la loi parce qu'il y a des éléments qu'on doit avoir comme l'acte de naissance et l'âge de l'acquéreur. Selon l'administrateur de la commune Moukaza, ceux qui n'ont pas ces cartes d'identité, ce sont des jeunes qui font l'exode rural ici, en ville de Bujumbura. Suivez Mazimhaka Issa Désiré, administrateur de la commune Moukaza. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se plaindre pour dire qu'il n'y a pas de carte d'identité au niveau de la municipalité de Bujumbura. Pour livrer une carte d'identité, il y a des éléments qu'on doit vérifier. Il y a des vagabonds, les jeunes qui font l'exode rural, qui quittent leur milieu, qui viennent toujours sillonner en ville en cherchant du travail, en croyant que c'est là où il y a la vie. Deuxièmement, il y a des personnes ici en ville qui montent à l'intérieur du pays pour faire descendre les gens, à les embaucher comme des domestiques à bas âge. Après excitant, il vient vous dire, nous voulons l'identité de ma bonne ou de mon domestique. Est-ce que ce soit l'administrateur, que ce soit le chef de zone, que ce soit le chef de colline, il ne peut pas s'imaginer que cette personne, il vient de déclarer qu'il est de Ruigi, ou bien il est de Gitega, ou bien il est de Kayanza. Comment vous saurez que cette personne vient de ces communes? C'était Mazimhaka Issa Désiré, administrateur de la commune Moukaza. Je vous l'avais dit, des coups de feu ont été entendus au campus Mutanga de l'Université du Burundi le soir de ce lundi. La police chargée de la sécurité au campus voulait sauver un voleur qui allait être tué par les étudiants l'ayant attrapé. Certains étudiants déplorent leur réaction de masse de se faire justice. Ils disent que cela est lié au manque de représentants élus qui devraient intervenir. Le directeur adjoint de la régie des œuvres universitaires chargée de la sécurité dit que les coups de feu étaient nécessaires pour les disperser et que donc des représentants provisoires ont été désignés en attendant que des élections aient lieu. Suivez OPS 1 Célestin Nibona Bonansizé. Il y a un certain moment, effectivement, que des élections représentatives des étudiants a souvent échoué. Parce que cette prérogative d'élection se trouve dans les mains des étudiants. Parce que ce sont eux qui doivent quand même élire les représentants. Plusieurs tentatives d'élection ont été échouées. Même récemment, la grève qu'ils ont effectuée, de retour, ils ont organisé des élections. Mais en vain. Donc, au cours des élections, ils ne s'entendaient pas. Et voilà alors l'échec. Dans une communauté de plus de 13 000 étudiants, quoique il y ait cet échec des élections, on ne peut pas communiquer avec ce monde tant élevé sans qu'il y ait une liaison. L'Université du Burundi alors a mis en place une représentation générale des étudiants transitoire. Donc, cette représentation a cette mission d'organiser encore une fois les élections. Qu'est-ce qu'alors vous envisagez faire pour que cela n'arrive plus? Comme d'habitude, nous faisons des réunions avec les étudiants, la représentation générale, les représentants des campus, pour échanger sur la situation qui prévaut. Dans ce cadre, alors, on va continuer à faire des rencontres avec ces étudiants. Et puis, je vais porter à la connaissance encore une fois. C'est un rappel à l'intention des étudiants qu'il est strictement interdit de se faire justice, qu'il faut laisser la justice faire son travail. OPS 1, Célestin Niwonawo Nansizé, il est chargé de la sécurité au campus Mutanga de l'Université du Burundi.

Merci Francine, le rendez-vous est pris. Merci docteur Constantin. Ainsi se referme ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le conseiller principal en communication du président de la République a échappé hier soir à une attaque par des hommes armés près de chez lui à Kajaga, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Willy Nyamitwe a été blessé alors que l'un de ses gardes du corps a été tué dans cette attaque. Le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, qui vient a fait une déclaration à la presse ce matin, a précisé que l'attentat était commandité depuis le Rwanda. Et la plateforme de l'opposition Sénarède appelle le pouvoir du Burundi à adhérer aux négociations inter-burundaises dirigées par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa pour l'intérêt du pays. Onesime Nduwimana, un des vice-présidents du Sénarède, estime que le processus est au point mort à cause de Bujumbura. Et plus de 9000 ménages des communes Bwambarangwe, Gitowe et Busoni de la province Kirundo seront bientôt raccordés à un réseau électrique. Ce projet d'électrification rurale lancé ce lundi par le ministre en charge de l'énergie et des mines, comme Manira Kiza, coûtera 41 milliards de francs burundais. Et vous venez de le suivre dans la chronique santé aujourd'hui. Docteur Constantin nous a donné des éclairages sur la crise cardiaque. Et en actualité internationale, Jovenel Moïse a été déclaré vainqueur de la présidentielle haïtienne dès le premier tour avec 55,67% des voix. À 48 ans, Jovenel Moïse signe avec cette élection le début de sa carrière politique. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.